C'est moi, je suis en mêlée. Là, je vais me démêler. Thank you.

Touching the world, so embodied, suffering.

Rialto, somewhere far along this road, we lost this soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Et ça fait une semaine qu'il travaille dessus, donc j'aimerais vraiment que Amoui, tu vas rendre le plus grand travail. C'est une église, c'est une idée. Je viens d'avoir la surprise, en fait, j'avais pas trop bien regardé. C'était vachement beau. I leave you, have to go, I leave you,